Chapitre 17e, Mrs. Bold chez elle. La pauvre Mrs. Bold, en partant de Ullathorne, était bien malheureuse, et de plus, bien fatiguée. Rien ne fatigue le corps comme l'abattement de l'âme, et l'âme d'Eleanor était complètement abattue. Le docteur Stanhope l'avait invitée poliment, mais sans cordialité, à venir prendre le thé, et la manière dont elle refusa convainquit le digne docteur qu'il n'y avait pas lieu de répéter l'invitation. Il ne s'était pas mêlé directement à l'intrigue qui devait avoir pour effet de convertir la fortune de feu M. Bold en un revenu confortable pour son vagabond de fils, mais il ne l'ignorait pas. Et il comprit aussi, en voyant Bertie refuser de revenir dans la même voiture, que l'affaire avait échoué. Eleanor redoutait que Charlotte ne se précipitât sur elle comme une flèche quand le chanoine arriverait à sa porte. Mais Bertie avait prévu cet ennui et le lui avait évité en donnant l'ordre de passer d'abord par chez elle. Ceci encore fut compris par le docteur Stanhope, qui ne fit aucune remarque. En arrivant chez elle, elle trouva dans le salon Mary Bold, qui tenait l'enfant sur ses genoux. Elle s'élança et, s'agenouillant, couvrit le petit de baisers passionnés qui lui firent presque peur. « Oh, Mary, je suis si contente que vous ne soyez pas venue. Quelle odieuse journée !» La question de savoir si Mary accompagnerait Eleanor avait été agitée entre elles. Mrs. Bold avait été invitée alors qu'elle était chez les Grantley. Amy Thorne, qui avait vu Eleanor surtout à l'hospice et chez l'archidiacre, avait complètement oublié Mary Bold. Sa belle-sœur l'avait suppliée de venir avec elle. Elle lui offrait d'écrire à Amy Thorne ou de lui faire une visite, mais Miss Bold avait refusé sa proposition. Son frère n'avait pas été populaire parmi les personnes de la classe des Thorne, et elle ne voulait pas se réunir à elle sans invitation spéciale. « Alors, dit gaiement Mary, j'ai moins de regrets. Vous n'avez rien à regretter. Mais Mary, j'en ai eu tant, tant !» Et elle recommença à embrasser son enfant que ses caresses réveillèrent. Quand elle releva la tête, Mary vit ses joues couvertes de larmes. Dieu du ciel, Eleanor, qu'avez-vous? Que vous est-il arrivé? Eleanor, chère Eleanor, qu'avez-vous? Et Mary se leva, tenant l'enfant dans ses bras. Donnez-le-moi, donnez-le-moi, dit la jeune mère. Donnez-le-moi, Mary. Il l'arracha presque des bras de sa belle-sœur. Le pauvre petit, interrompu dans son sommeil, murmura une plainte, mais se blottit contre le sein de sa mère. Retirez-moi mon manteau, Mary. Mon chéri, mon bijou, vous n'êtes pas comme tous les autres, qui sont perfides et méchants. Maman ne se soucie de personne, personne que de son cher petit homme. Et de nouveau, elle le couvrit de ses baisers et de ses larmes. Qui a été méchant à votre égard, Eleanor? Dit Mary. J'espère que ce n'est pas moi. Eleanor était bien embarrassée. Elle ne pouvait certainement pas accuser son affectueuse belle-sœur de méchanceté. C'était elle-même qu'elle avait accusée d'une imprudence contre laquelle sa belle-sœur l'avait mise en garde plus d'une fois. Mrs. Bold n'avait jamais encouragé les relations d'Eleanor avec M. Slope. Et autant que sa douceur habituelle le lui permettait, elle l'avait blâmée de sa familiarité avec les Stanhope. Eleanor s'était mise à rire quand Mary lui avait dit qu'elle n'approuvait pas les femmes mariées qui vivaient séparées de leur mari, et avait ajouté que Charlotte n'allait jamais à l'église. Maintenant donc, Eleanor était réduite à ne pas parler, ce qui était tout à fait impossible, ou à reconnaître qu'elle avait eu tort, ce qui était presque aussi impossible. Elle s'en tira en versant des larmes plus abondantes, et se consola en réveillant assez complètement le petit Johnny pour qu'il lui rendît ses caresses. « C'est un petit chéri, franc comme l'or. Qu'est-ce que maman ferait sans lui? Maman mourrait si elle n'avait pas son Johnny Bold pour la consoler. » Par ces paroles et beaucoup d'autres du même genre, elle évita de répondre aux questions de Mary. Mais ce ne devait pas être pour longtemps. Il fallait bien qu'elle finît par lui raconter, par raconter à son père la désagréable histoire. À ce moment, elle ne voyait personne qui pût la soutenir et la consoler. Elle haïssait M. Slope, cela va sans dire. Elle le haïssait avec délice. Elle haïssait et méprisait les Stanhope. mais ce sentiment était accompagné de remords. Elle s'était en quelque sorte séparée de ses anciens amis pour se jeter dans les bras de cette famille. Et comment avait-elle essayé de l'en récompenser? Elle avait peine à ne pas en vouloir à son père, qui lui avait attribué des torts. Mary Bold s'était posée en mentor. Elle aurait pu la pardonner, si mentor s'était trompé, mais on ne pardonne pas aux mentors qui ont raison. C'était de la haine qu'elle éprouvait pour l'archidiacre, et cette haine était plus vive que jamais, aujourd'hui qu'elle devait reconnaître devant lui son aveuglement. Elle haïssait sa sœur, qui avait partagé les sentiments de l'archidiacre. Elle aurait voulu pouvoir haïr aussi le pauvre monsieur Arabin. Il avait prétendu la distinguer parmi les autres femmes, et sous ses yeux, il était resté comme suspendu aux lèvres de cette Italienne, comme s'il n'y avait au monde d'autre beauté que la sienne, d'autres femmes dignes de son attention. Et M. Arabin aurait à apprendre cette affaire de M. Slope. Elle se disait à elle-même qu'elle le haïssait, et elle avait conscience de mentir à elle-même en le disant. Elle n'avait d'autre consolation que son baby. Mary, sans pouvoir deviner ce qui avait si vivement affecté sa belle-sœur, vit sur le champ que sa douleur était trop violente pour être contenue et attendit patiemment que l'enfant fût remis dans son berceau. « Vous allez avoir du thé, Eleanor, » dit-elle. « Oh, je n'en ai pas besoin, » répondit Eleanor, quoiqu'elle eût très faim, n'ayant rien mangé à Iola Thorne. Mary fit tranquillement le thé, beurra le pain et rangea le manteau d'Eleanor. « Le voici endormi, » dit-elle. « Vous êtes très fatigué, laissez-moi le coucher. » Mais Eleanor ne voulut pas le laisser toucher par sa sœur. Elle regarda les yeux de l'enfant, vit qu'ils étaient fermés par le sommeil, et fit pour lui une sorte de couchette sur le sofa. Elle était décidée à le garder sous ses yeux toute la nuit. « Allons, Nelly, » dit Mary, « ne me boudez pas ainsi. Je n'ai rien fait pour vous offenser. »« Je ne boude pas, » dit Eleanor. « Est-ce alors de l'irritation ?»« Sûrement, vous ne pouvez être irrité contre moi. » « Non, je ne suis pas irrité, du moins contre vous. Si vous ne l'êtes pas, prenez votre thé. Je l'ai fait pour vous. Je suis sûr que vous en avez besoin. » Eleanor se laissa persuader. Elle mangea et but, et à mesure qu'elle fut restaurée, elle se sentit un peu moins mal disposée envers l'humanité. Elle trouva enfin des paroles pour commencer son histoire, et avant d'aller au lit, elle avait soulagé son cœur et tout raconté, tout, c'est-à-dire comment elle avait rejeté ses deux prétendants. De M. Arabin, elle ne souffla pas mot. « Je sais que j'ai eu tort, » dit-elle en parlant du coup qu'elle avait donné à M. Slope, « mais je ne savais pas jusqu'où il serait allé, et j'avais à me protéger moi-même. »« Il ne l'a pas volé, » dit Mary. « Je le crois bien, » s'écria Eleanor, qui, en pensant à M. Slope, avait presque des idées homicides. Si je lui avais donné un coup de poignard, il ne l'aurait pas volé non plus. Mais que vont-ils dire à Plumstead ? Il me semble que je ne le leur dirai pas, répondit Mary. Eleanor fut de cet avis. Mary Bold avait au suprême degré la bonté qui console. Quand elle apprit les menées de Stanhope, quand elle entendit Eleanor traiter son ancienne amie Charlotte de ville intrigante, elle ne triompha pas de sa perspicacité et ne fit pas la moindre allusion aux avis qu'elle lui avait donnés. Elle répéta les injures qu'Eleanor fit pleuvoir sur la tête de M. Slope, sans rappeler que depuis longtemps déjà, elle l'avait jugé comme il le méritait. Eleanor lui sut gré de sa discrétion et se laissa enfin calmer. Le lendemain, elle ne sortit pas de chez elle. Il lui semblait que Barchester serait rempli de Stanhope, et de Slope, peut-être aussi d'Arabin et de Grantley. Dans le fait, il n'y avait peut-être pas un de ses amis qu'elle put rencontrer sans embarras ou sans ennui. Dans le cours de l'après-midi, elle apprit que le doyen était mort, et aussi que la nomination de M. Quiverful à l'hospice était définitive. Le soir, son père vint la voir. Elle eut à répéter son histoire, du moins tout ce qu'il ne lui coûtait pas trop de dire. Il ne fut pas étonné de l'effronterie de M. Slope, mais il dut feindre de l'être pour ménager les sentiments de sa fille. Il ne fut pas assez heureux dans sa dissimulation pour que sa fille ne l'eût pas dans son cœur. « Je vois, » dit-elle, « que vous trouvez tout naturel que M. Slope m'ait traité ainsi. » Elle ne lui avait rien dit du geste de Mrs. Slope, ni de la façon dont elle y avait répondu. « Je ne trouve rien d'étrange à ce que l'on admire mon Eleanor. Je trouve étrange, moi, qu'un homme puisse avoir cette audace, sans avoir reçu le moindre encouragement. » À cela, M. Harding ne répondit rien. « Mais vous le raconterez à l'archidiacre ? » dit-il. « Racontez quoi ? » dit-elle sèchement. « Ou à Susan ?» continua M. Harding. « Vous le direz à Susan. Vous leur direz qu'il vous faisait tort quand il supposait que cet homme vous était agréable en vous faisant la cour. Qu'ils le reconnaissent eux-mêmes, s'ils le veulent. Quant à moi, je ne prononcerai jamais le nom de M. Slope devant ma sœur ni devant son mari. Mais moi, je le puis. Je n'ai pas le droit de vous interdire quoi que ce soit qui puisse vous faire plaisir à vous, mais je vous prie que ce ne soit pas pour moi. Le docteur Grantly n'a jamais eu et n'aura jamais de considération pour moi. Je tiens moins que jamais à sa bonne opinion. » Puis on parla de l'affaire de l'hospice. « Est-ce donc bien vrai, papa ?»« Quoi, ma chérie ? La mort du doyen ? Oui, elle est certaine. »« Pauvre Miss Trefoil, j'en suis affligé pour elle. » « Mais ce n'est pas ce que je voulais dire, papa. Je voulais parler de l'hospice. »« Oui, ma chérie, je suis certain que M. Quiverful aura la place. »« Oh, quelle indignité !»« Non, ma chérie, ce n'est pas une indignité. Il la remplira très bien. »« Mais si, papa, c'est une indignité, après votre espérance illégitime d'être remis en fonction, voir l'emploi donné à un étranger. »« Ma chérie, l'évêque a le droit de le donner à qui lui plaît. » »« Je nie cela, papa. » Il n'a pas ce droit-là. Ce n'est pas comme si vous étiez candidat à un bénéfice de création nouvelle. Si l'évêque a le moindre sentiment de justice, l'évêque me l'a proposé à des conditions que je n'ai pas acceptées. Je ne puis me plaindre. Des conditions ? Il n'avait pas le droit de vous en poser. Je ne sais, mais à ce qu'il semble, il devait l'avoir. À dire vrai, Nelly, je suis satisfait qu'il en soit ainsi. Quand j'ai vu que l'affaire pouvait donner lieu à des discussions irritantes, j'ai désiré n'y être plus mêlé du tout. Vous désiriez pourtant rentrer dans votre ancienne habitation, vous me l'avez dit vous-même. Oui, je l'ai désiré quelque temps, mais ce désir était puéril. Je deviens vieux. Ce qu'il me faut maintenant, c'est la tranquillité et le repos. Si j'étais rentré à l'hospice, j'aurais eu des démêlés sans fin avec l'évêque, avec son chapelain, avec l'archidiacre. Je ne suis plus capable maintenant de supporter tous ces ennuis. Aussi ne suis-je pas fâché d'être réduit à ma petite paroisse de Saint-Cuthbert. D'ailleurs, ajouta-t-il en riant, je ne mourrai pas de faim tant que vous serez là. Mais c'est avec moi que vous viendrez vivre, papa, dit-elle d'une voix suppliante, en lui prenant les deux mains. Si vous y consentez, si vous me le promettez, je conviendrai que vous avez raison. En tout cas, je dînerai chez vous aujourd'hui. Non, je veux que vous viviez désormais ici. Quittez cet odieux petit logement de High Street. Ma chérie, c'est un gentil petit logement. Vous n'êtes pas poli. Oh, papa, ne plaisantez pas. Ce n'est pas une habitation convenable pour vous. Vous dites que vous vieillissez, bien que moi je ne le vois pas. Ne suis-je pas vieux, mon enfant ? Non, papa, non, vous n'êtes pas vieux. Mais vous n'êtes plus assez jeune pour ne pas éprouver le besoin d'être confortablement logé. Vous savez combien Mary et moi nous sommes seuls ici. Vous savez que la grande chambre sur le devant est toujours inoccupée. Ce n'est réellement pas bien à vous de vouloir vivre seul, alors que vous nous manquez tant à toutes deux. Merci, Nelly, merci. Mais, ma chérie, si vous aviez vécu ici avec nous, papa, comme vous auriez dû le faire, en considérant notre isolement, toutes ces affaires déplorables à propos de M. Slope n'auraient pas eu lieu. Néanmoins, M. Harding ne voulut pas se laisser persuader d'abandonner son petit pied-à-terre. Il promit de dîner avec sa fille, de faire des visites, des séjours même chez elle, de faire tout ce qu'elle voudrait, mais non de s'établir chez elle. Il ne voulait pas dire à sa fille que, après M. Slope et M. Stanhope rejetés, il surgirait un jour ou l'autre quelques prétendants plus favorisés, pour lequel la grande chambre du devant serait mise en réquisition. La soirée se passa tranquillement et agréablement. Eleanor était toujours plus heureuse avec son père qu'avec toute autre personne. Si elle ne savait pas montrer au baby la même adoration que sa mère, il était toujours prêt à faire sa partie avec Eleanor et Mary Bold quand il s'agissait de chanter les louanges de l'enfant merveilleux. Ils étaient occupés à faire de la musique ce soir-là, Johnny dormant sur le sofa, quand la servante apporta sur un plateau d'argent une lettre de petite dimension dans une enveloppe rose. La pièce en fut toute parfumée. « S'il vous plaît, madame, le cocher du docteur Stanhope dit qu'il attend la réponse. » Éléanore rougit en prenant la lettre. Elle n'en avait jamais vu l'écriture auparavant. Charlotte écrivait sur du grand papier qu'elle pliait en forme de chapeau à cornes. L'adresse, largement tracée, semblait être mise par un homme. Souvent même, elle y ajoutait un pâté ou un barbouillage, qui était comme sa signature. Cette lettre aussi, dont l'adresse était écrite d'une belle écriture de femme, était dans une enveloppe sur le revers de laquelle était imprimée une couronne dorée. Éléanore conjectura qu'elle venait de la signora. Elle ne se trompait pas. Voici quel en était le contenu. « Chère Mrs. Bold, puis-je vous demander comme une grande faveur de venir me voir demain? Dites-leur qui vous conviendra le mieux. Mais que ce soit de bonne heure si cela vous est possible. Je n'ai pas besoin de vous dire que je ne vous demanderai pas cette démarche si je pouvais la faire moi-même près de vous. Je sais en partie ce qui est arrivé l'autre jour et je vous promets que vous ne serez exposé à aucun ennui si vous venez. Mon frère part pour Londres aujourd'hui, de là pour l'Italie. Vous comprendrez que je n'aurais pas pris cette liberté avec vous si je n'avais à vous faire une communication importante. Excusez-moi donc, même si vous ne m'accordez pas ma demande. Et croyez-moi, votre sincèrement dévouée, Miss Wozzeck Neroni. Jeudi soir. » On tint consultation sur cette lettre pendant une dizaine de minutes et l'on décida qu'Éléanore écrirait une ligne pour dire qu'elle verrait la signora le lendemain à midi.